Édition de septembre 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Au niveau de mes activités audio, la première partie d'août fut au ralenti. D'abord, je n'ai rien fait avant mercredi le 6. Ce jour-là, nous avons reçu un courriel de Brigitte, une auditrice, qui dit « Bonjour Monsieur Martin, bonjour Brigitte ». Je souhaiterais savoir si vous prévoyez de continuer la production audio des Massas Pavel d'André Bory. En fait, non. Du moins, pas pour le moment. Une des principales raisons est que l'équipe qui vous a offert les 5 premiers romans n'existe plus. Je veux dire, à une ou deux exceptions près, les interprètes ont cessé d'enregistrer. Il faudrait donc pratiquement repartir de zéro et redistribuer tous les rôles. Par ailleurs, les deux dernières productions ont été très difficiles. Retards nombreux, désistements, forcés de redistribuer plusieurs rôles secondaires, etc. Bref, idéalement, refaire du Mazas, j'aimerais entasser tous les interprètes dans mon bureau studio et enregistrer toutes les répliques en une ou deux séances sur un seul et même micro. En principe, ça éliminerait un nombre certain de problèmes. Merci pour les bons moments que vous nous avez fait passer à nous malvoyants. Je vous en prie. Et je partage votre gratitude avec ceux et celles impliqués dans ces productions. Ceci dit, je n'ai pas de public précis en tête lorsque je réalise un projet audio. Je le fais pour tous ceux qui, comme moi, aiment se faire raconter une histoire. Déjà, petit, mes parents m'avaient acheté un disque de Monsieur Surprise. Monsieur Surprise était un personnage pour enfants de la télévision de Radio-Canada. Ce fut mon long jeu préféré pendant toute ma petite enfance. Puis, plus tard, j'ai reçu un disque de Zorro, adapté du film de Disney, qui est aussitôt devenu mon nouveau disque préféré. Long jeu que j'ai encore d'ailleurs, ils grichent, ils sont tout maganés, mais je les ai encore. La beauté de l'audio, c'est qu'on n'a pas besoin de nos yeux pour en profiter. Bien que je n'ai pas de problème majeur avec mes yeux, j'écoute énormément d'audiobooks et d'audiodramas. En faisant la vaisselle, en travaillant dans le bois. Au fond, chaque fois que je n'ai pas besoin de me concentrer pour accomplir une tâche et que celle-ci ne nécessite pas l'utilisation d'un outil bruyant. Le temps passe beaucoup plus vite quand on se fait raconter une histoire. Mais revenons à mes activités du mois d'août. Toujours mercredi le 6, j'ai entamé la rédaction du premier jet de l'épisode 19 du PC Show, que j'ai terminé samedi le 9. Le 7, je commençais à rédiger le premier jet du premier épisode d'une nouvelle série originale que j'ai intitulée pour le moment « Papy Courtemèche ». Il s'agit d'un projet solo. Pour l'instant, le texte prend la forme d'un monologue. J'en ai poursuivi la rédaction le 11, le 13 et le 24. Mais ce n'est pas encore terminé. Cet exercice s'avère plus difficile que d'écrire un épisode du PC Show. Le 12, j'apprenais la mort de Robin Williams. Ça m'a jeté par terre. Et je ne suis pas encore tout à fait relevé. Ma première réaction en entendant la nouvelle à la radio a été « Oh Rob, qu'est-ce que t'as fait ?» Puis, je me suis demandé comment quelqu'un d'aussi vivant et débordant d'énergie que Robin Williams pouvait en venir à s'enlever la vie. Comment lui, Robin Williams, aimé par une multitude, pouvait plonger dans un tel désespoir, dans une telle souffrance intérieure. Puis, je me suis souvenu, et j'ai compris comment cela avait pu être. Même s'il était Robin Williams, même si sa vitalité, sa vivacité avaient éclairé le monde. Nul n'est à l'abri du glauque ténébreux dans lequel la souffrance est telle qu'on ne veut plus qu'une chose, y échapper coûte que coûte. Robin Williams est parti. Sur Terre, un puissant projecteur s'est éteint. Mercredi le 13, je planchais sur la transcription de la 14e partie des Relations des Jésuites que je poursuivais les 24, 25 et 27. Puis, je n'ai rien foutu pendant quelques jours. En deuil, en réflexion. Les dimanches 17 et lundi 18, je travaillais sur des concepts d'émissions hors série du podcast. J'en poursuivais le travail les 19, 20, 25, 27 et 28. Mardi 19, ayant reçu les fichiers audio de mes deux collègues, j'enregistrais mes prises pour le 17e épisode du PC Show. Le 22, je cherchais les nombreux effets sonores manquants et entamais la première étape du montage. Montage que je poursuivais le 24. Fignolage et ajustement le lendemain. Dernière vérification, mardi le 26. Suite à la rédaction du premier jet de l'épisode 19 du PC Show, j'ai dû retoucher l'épisode double 2021. Ce fut fait le mardi 19. Le vendredi 22, jour de statistiques. Le relevé des téléchargements m'indique que La Terre promise, une de mes nouvelles de science-fiction, a franchi le cap des 3000 téléchargements. Aussi, l'espèce de mini-recueil audio réunissant quelques anecdotes humoristiques d'Aristide Filiatro, dont la culotte à Baptiste, dépasse maintenant les 6000 téléchargements. Merci à vous tous qui téléchargez et écoutez nos productions. Le lendemain, je scriptais, préparais et montais la barrique de Montilado, enregistrée avec brio par Nadine Ekerboulet. Diffusion prévue en novembre. Le lundi 25, je commençais à scripter les résumés Perry Rodden pour les fascicules 110 à 119. Le travail se poursuivait le lendemain. Aussi, le même jour, j'enregistrais la 11e partie des Relations des Jésuites que je montais le lendemain. Dans le livre d'or d'audiocité, s'est poursuivi, au cours des semaines, ma correspondance avec Corvo, notre plus fidèle auditeur à ce jour, jusqu'à preuve du contraire. Il dit « Super le casting pour le projet René Aîné. Laissez-moi deviner. Tout ou partie du recueil Les Autres Mondes? La guerre du feu? La jeune vampire? Que gagnerais-je, si j'ai bien deviné? Petit curieux. » Non, il ne s'agit d'aucun de ces titres. Pas mal du tout les bruits de fond pour les trois derniers articles du Progrès de l'Est. Ça met de l'ambiance. Pourrais-je vous poser une question? Concernant le livre de Dionne sur Champlain, en écoutant la préface, il semble y avoir deux tomes. Or, il me semble qu'un seul a été lu. Est-ce une erreur des éditeurs? Non. Il existe effectivement un volume 2 de La vie et des voyages de Champlain qui a été publié plusieurs années après le premier. Il fait partie de mes éventuels projets de lecture. Mais j'ai sans doute suffisamment de projets historiques en chantier pour le moment. J'ai vraiment bien aimé le 16e épisode du PC Show. La fin surtout est vraiment bien trouvée. Ah, merci. Ah, pépère, l'incorrigible. J'ai été ravi de retrouver Cécile Bramafa dans Hop Frog. Une très belle interprétation et des effets sonores plus vrais que nature. Oui, Cécile a effectué un excellent travail. J'apprécie énormément son boulot. Vous savez qu'elle a fait deux versions de son enregistrement, n'étant pas tout à fait satisfaite de la première? Et les 6 derniers articles du volume 4 du Progrès, là encore, les bruitages sont très bien choisis et donnent une super ambiance aux articles. À propos, quel bruitage avez-vous utilisé pour le dernier article entre les différents noms de villes? On dirait des rotatives en marche, mais je ne suis pas sûr à 100%. L'effet sonore entre les noms de villes? Voyons voir... Ah! Il est identifié comme « Teletype Fast Speed ». Je voulais quelque chose ayant un rapport avec un journal et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai été très surpris d'apprendre que le projet René Aîné était en péril et surtout qu'Églantine risquait de démissionner. D'autant plus que, sous un autre pseudo, elle participe à de nombreuses pièces de théâtre sur l'ITCOM, sans compter ses projets solo. C'est une interprète vraiment douée. Vous savez, Le talent d'Églantine n'est nullement mis en doute dans cette affaire. Si elle n'avait pas été douée, je ne l'aurais pas approchée pour participer au projet, vous savez. D'autant que la narration est primordiale dans le texte choisi. Non, elle a connu une séance d'enregistrement plus difficile à un moment donné, où j'ai dû lui faire reprendre certains passages. Puis, un problème technique, enfin, il me semble, au chapitre 6, qui l'a complètement découragée. À ce moment-là, j'étais moi-même las et j'ai décidé de prendre du recul et du repos. Au fait, j'aimerais bien savoir si le projet de roman canadien, avec Gabriel Jean et Ezoa, est toujours sur les rails ou aux oubliettes. Après discussion, aux oubliettes. Malheureusement, je ne pourrai pas participer activement à aucun projet audio. Le master d'histoire est assez prenant. Ah! Un master d'histoire? Voilà qui explique votre intérêt pour le volet historique de nos productions. Bravo! Peut-être est-ce que je ne connais pas assez le sujet traité, mais je n'ai rien compris à la table ronde que vous avez présentée dans l'émission du podcast de juillet. Pourriez-vous éclairer ma lanterne, s'il vous plaît? J'ignore à quel point vous êtes familier avec les sagas MP3. Quoi qu'il en soit, Le Donjon de Nahelbeuk est une telle saga, écrite et réalisée par John Lang, alias Pen of Chaos, qui, d'une aventure audio gratuitement disponible sur le net, a été adaptée en BD, en roman, et qui est maintenant réalisée en série d'animation pour la télé. Bref, il s'agit d'une massive success story, comme on en rêve tous, mais qui n'arrive que rarement. Puisses-tu? Malgré mes instances, le projet du roman canadien est tombé à l'eau. Pourrais-je savoir de quel roman il s'agissait, s'il vous plaît? Pour ma part, quand on me dit « roman » et « Canada », je pense tout de suite à Maria Chapdelaine, mais c'est peut-être parce qu'il est très connu en France. Il s'agissait de « Le Chevalier de Mornac », chronique de la Nouvelle-France 1664, par Joseph Marmette. Super! Un nouveau conte du Pays Gallo! Bravo pour tout le travail de montage que vous avez réalisé dernièrement. Ma parole, vous n'avez pas chômé. Ainsi, vous êtes en train d'écrire un double épisode du PC Show? Ah ah! Vous excitez ma curiosité. J'ai commencé, comme vous avez pu l'entendre dans l'émission du podcast de juillet, à préparer la prochaine année du PC Show. J'ai bien rigolé en écrivant le premier jet de l'épisode double 2021. Habituellement, c'est un bon signe. Hier, j'ai commencé le premier jet de l'épisode 19. C'est la première fois que j'écris un PC Show dans le désordre. On verra ce que ça donnera, mais j'ai déjà l'impression qu'il nécessitera plus de révision. Pour le projet René Aîné, allez Christian, allez Christian, allez! Je ne suis pas encore au bout de ma réflexion. On verra, mais merci beaucoup pour les encouragements. Au fait, est-ce que Rio du Refuge rencontre le succès escompté? Vu votre talent, ça ne m'étonnerait pas. Pour m'avoir fait apprécier la SF, il fallait vraiment être doué. Si Rio du Refuge rencontre les succès escomptés... sans doute pas, bien que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en faisant la publication en e-book. Ceci dit, j'espérais quand même davantage de cette aventure. Toutefois, l'avantage de la présence sur le net, c'est que, contrairement en librairie, le livre ne disparaît pas des tablettes après 3 mois. J'espère que Rio rencontrera plus de succès avec le temps. Petite question. Le nom de votre agent très spécial s'inspire-t-il du nom de l'inspecteur Lestrade, personnage récurrent des aventures de Sherlock Holmes? Oui, en effet. Pour la petite anecdote, c'est appelé Lestat dans sa version nouvelle. J'ai changé le nom pour ne pas risquer d'avoir des ennuis, malgré la graphie différente. Lestat étant le nom du personnage principal des romans d'Anne Rice. Et puis, Lestrade, le clin d'œil est plus approprié, vu la profession exercée par Les. Les articles du Progrès étaient très intéressants. C'est en lisant la revue étrangère qu'on se rend compte que ce journal est un peu plus conservateur. Pour une raison inconnue, je ne suis pas parvenu à accéder à la nouveauté d'hier sur le blog. Mais je pense qu'en passant par archive.org, je pense pouvoir y arriver. Pour la difficulté de téléchargement des nouveautés du jeudi, il est possible qu'il y ait eu congestion. Les résumés Perry Rodden connaissent une certaine popularité. Tout semble fonctionner ce matin, samedi. Je voulais juste vous prévenir que de septembre à décembre, je serai super occupé à la rédaction de mon mémoire de master, c'est pourquoi je risque fort de ne pas pouvoir vous écrire d'ici l'année prochaine. Ah, le travail! Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai toujours le temps de vous écouter. Vous allez nous manquer, mais je comprends très bien.

et là le compagnon qui les avait interpellés peu auparavant. Devant l'absence de réaction, les deux êtres cauchemardesques se mirent à crier, émettant un son strident désagréable aux oreilles, et se mirent à inspecter les alentours. Celui qui guettait la Carsacienne se retourna et eut un mouvement de surprise lorsqu'il l'aperçut, mais, vif comme l'éclair, il leva le canon de son arme. Pas assez rapidement, cependant. Le pinceau d'énergie bleuté du radiant de Mazas le frappa entre les deux yeux, le projetant en arrière. Il n'eut cependant pas le temps de savourer sa victoire, car le dernier des cartiers avait aussitôt réagi et le faisceau étroit de son engin fit éclater la glace au niveau de son visage. Elle se laissa tomber à côté de sa victime, disparaissant ainsi à la vue de son agresseur. Son premier geste fut de brancher son écran protecteur. À présent qu'elle était découverte, elle se devait de se protéger. Puis, elle se hâta de relever la tête pour observer les faits et gestes de son dernier adversaire. Celui-ci, loin de fuir, accourait à grands bonds désordonnés pour gêner la précision de tir de la jeune femme. Mais il en fallait plus pour la troubler, et elle épaula calmement, attendant le moment propice pour appuyer sur la détente. Au moment où son doigt commençait à se crisper, le feulement d'une arme énergétique s'éleva et le choc violent qu'elle reçut dans le dos la projeta au sol. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le 7e chapitre de Mazas Pavel, Un monde en héritage, d'André Bory. Nous interprètes K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans les rôles de Stevomir Irsing et de Tiromon, Ezoa dans le rôle de l'émir, Kael dans le rôle de Kalek Voram, Michael Cadillac dans le rôle de John Pavel, Merzeline dans le rôle de Yves Mantel, Patrice dans le rôle de Vanek, Reggie Metal Fox dans le rôle de l'Antoine et Christian Martin dans le rôle de Axe et à la narration. L'histoire appartient à l'auteur et est protégée par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Je rappelle que André Bory et sa compagne arrivent au Québec demain, le 2 septembre, et nous visiterons jusqu'au 15 prochain. Ne manquez pas la chance de les rencontrer. Suite de la table ronde, Nahul Buck de l'écrit à l'écran, avec John Lang, l'auteur du donjon de Nahul Buck, Jean-Luc Rivera et le directeur d'écriture de la série d'animation, réalisée par Nomad Film. Très bien. Donc, on voit une série d'accidents finalement très heureux qui ont permis le développement de Nahul Buck. Et donc, maintenant, alors, le dernier développement pour l'instant, donc, c'est le passage sur les petits écrans, oui, d'ici quelques temps, avec des dessins animés. Alors oui, d'ailleurs, ça vous intéresse peut-être de savoir comment c'est arrivé, parce que c'est également accidentel. Alors, pour une raison simple, c'est que moi, l'audiovisuel, je n'aime pas ça. Enfin, je suis un gros fan de cinéma. Mais de nanar, de nanar. De nanar aussi. Mais si, je suis un gros fan de cinéma, et la télé, je n'aime pas ça. Alors, en fait, je n'aime pas ça parce que moi, de ce que je connais de la télévision, c'est plutôt ce qu'il y avait avant. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'audiovisuel, si on fait une courbe d'intérêt, en fait, dans les années 80, l'intérêt audiovisuel était au cinéma, et maintenant, l'intérêt audiovisuel est dans les séries, en fait, parce qu'il n'y a que les chaînes de télé qui investissent dans des trucs intelligents, à peu près, maintenant. Ça fait une espèce de courbe croisée. Mais bon, c'est pas le principe. Le principe, c'est qu'on m'a proposé de faire ce projet à des gens qui sont venus me dire « Voilà, dans le journal Buck, on pourrait faire de l'animation. » Alors moi, j'ai commencé, comme d'habitude, par dire non. J'y connais rien, ça m'intéresse pas, j'aime pas la télé, c'est pourri, on va faire des trucs pour des enfants de 8 ans, donc j'ai pas envie. Là, on m'a dit « Si, si, mais nous, on est motivés et on veut le faire correctement. » Oh ! Donc on a mis un an, on a fait un an juste de discussion, réflexion sur le contrat, etc. Parce que dans l'audiovisuel, il faut savoir que plein de gens acceptent n'importe quoi, notamment parce qu'ils veulent faire de l'audiovisuel, alors que moi, j'étais pas demandeur. C'est un truc qui a vachement fait basculer. Donc, je parlais du cinéma américain tout à l'heure, parce que les auteurs américains, anglophones, ils font un livre, on leur dit on t'achète les droits, c'est temps, et on veut plus entendre parler de toi. Donc c'est bien parce qu'ils ont de l'argent. Et après, le film sort, ils font « Ah, mais c'est pourri !» Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Moi, j'ai pas envie de ça, parce que de l'argent, j'en avais pas besoin. Et donc, je dis, ben non, en fait, ah, Emmanuel. Le voilà. Il est arrivé en courant. Au bar. Voilà. Bonjour. Donc, Emmanuel Poulain-Arnaud, qui est le directeur d'écriture sur la série, et qui a fini par arriver. Ouais, galère, RER, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Pardon. Du mal. Non, mais j'étais en train juste de leur expliquer la genèse du projet. On a parlé de tout le reste déjà, donc après, tu vas intervenir sur ton sujet. Donc voilà, le projet est né comme ça. Moi, j'ai pas fait de concession parce que je voulais pas faire de la série jeunesse, je voulais pas qu'on m'interdise de mettre ceci ou cela dans la série. Et puis, l'équipe qui a voulu lancer le projet était d'accord avec moi. Donc, on a fait du forcing partout et il s'avère qu'en fait, c'est possible. C'est chiant pour tout le monde parce que c'est pour ça qu'on a toujours pas fini la série, notamment, on vous en parlera un peu, mais en fait, quand vous voulez financer Babar, par exemple, vous dites, c'est facile, la cible c'est 4 à 8 ans, on a besoin de temps, les gens ils savent vers où ils vont, ils font, c'est pourri ou pas, on s'en fout, de toute façon c'est pour les gamins. Mais c'est pas mal. Voilà. C'est donc, pas mal, c'est joli. Oui, enfin bon, voilà. Je rentre pas dans le débat, mais le fait est que quand tu sais, quand tu as une cible définie, tu travailles pour la jeunesse principalement, tu dis voilà, on attend machin, c'est temps, les gens ils donnent l'argent et tout. Alors que nous, on est bizarre. Ah, oui. On parle de jeux de rôle. On est pour un public de gamers. Alors les gamers, il y en a plein. Hein. Le jeu vidéo, c'est une des industries mondiales les plus lucratives et les plus importantes. Mais les gens, ils savent pas ça. Parce que quand on dit, on s'adresse à des gamers, ils nous regardent comme ça. Ben oui, mais c'est pas les mêmes gens qui regardent la télévision. Enfin, c'est un peu comme ça. Donc voilà, nous, on n'a pas fait de concession. Et donc, ça se retransmet. Ça se retranscrit sur tous les aspects de la série, donc les aspects artistiques. Et notamment sur l'écriture, et c'est là que Emmanuel arrive. Tada ! Bonjour. Et effectivement, on n'a pas fait du tout de concession parce que on a, comme l'a dit John, on a vraiment tenu à garder le ton bête et méchant de la BD, de la série audio. Donc si on avait changé le ton et si on était allé plus du côté de Babar, et ben on se serait fait taper dessus d'une part, et puis on aurait eu une série qui aurait plu à personne au final. Donc, et comment on n'a pas fait ces concessions? C'est-à-dire qu'on a poussé des portes, on a eu beaucoup de refus, donc beaucoup de chaînes évidemment, puisque toutes les chaînes, France 3, TF1, font du 5-10 en termes de cible, en termes d'âge. Et donc la seule chaîne qui a bien voulu nous accepter, bah, c'était Canal+, au final, Canal+ Family, parce que eux, ils ont une tranche d'âge, enfin, ils vont du preschool, Canal+ Family, ouais, jusqu'à, ils s'autorisent maintenant à aller vers de l'ado adulte. Mais ils s'autorisent encore, enfin voilà, on est une des premières séries sur Canal+ Family à enfoncer cette porte-là. Ouais, et puis nous, en plus, en matière d'auditoire, on a quand même vraiment de tout, quoi. Puisque sur les concerts, ceux qui ont assisté à nos concerts, on a du 8 aux 80 ans. Donc un tir de cible, c'est on a le super vieux rôliste des années 70, on a les gens qui aiment juste la musique aussi, d'une allemande, qui finalement se disent « Tiens, je vais lire ce bouquin parce que je suis allé au concert et puis ça les intéresse. » Et c'est sûr qu'eux, ils sont intéressés par la série aussi, quoi. D'autant plus que voilà, le truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la série qui, eux, ont dû travailler dans le jeunesse pour diverses raisons, contexte économique, sociaux, etc. Et ils se retrouvent à écrire des choses pour les adultes que eux ils comprennent. Et quand on écrit pour la jeunesse, on essaye de faire en sorte de faire des trucs pour eux, mais c'est pas forcément que ça nous fait rire, nous, en fait. Oui, c'est vrai que beaucoup d'auteurs de séries jeunesse, donc de cibles assez jeunes, écrivent vont vers la psychologie enfantine et écrivent des gags qui ne les font pas rire au final, mais qui vont vers du ludo-éducatif, c'est ce qu'on appelle. C'est de, ben voilà, on essaie d'amuser l'enfant tout en lui apprenant quelque chose, une espèce de petite morale de la vie. Alors là, pour le coup, le Donjon de Nalbox, ça n'avait rien à voir. En termes de morale, justement, on va à l'encontre de ça. Ah, la morale du nain, elle est très bien. Non, finalement, on s'y fait vite, en tout cas.